pendant vacances. Nous pas ni chance, moi en partance. Tête si goût de l'eau salée, coulé en coin asier. Pas ni force pour parler, gorge en moi serré. Moi vraiment désolé, mais pas face à nous vler. En photo, sourire à ouest est gravé.